Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Olive et Tartiflette, il y a 160 ans, Nice et la Savoie devenaient françaises en 1860. Donc, dès lors, se pose un tas de questions autour de ces deux territoires qui arrivent en France en 1860, je le rappelle, mais bien après l'Algérie. L'Algérie était française, oulala, bien avant Nice et la Savoie. C'est un point de programme scolaire aussi, donc à la fois curiosité et utilité, le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1874, 4 ans après la chute de Napoléon III, paraît un drôle d'ouvrage, Histoire tintamaresque de Napoléon III. Il est signé touche à tout. En réalité, son auteur est Léon Bienvenu, un journaliste, un littérateur. C'est une relecture parodique et critique du règne de Napoléon III. Par exemple, l'auteur invente des proclamations de l'empereur. Ainsi, celle du Palais des Tuileries à Paris le 3 mai 1859. Français, l'Autriche, en envahissant le territoire du roi de Sardaigne, notre allié nous déclare la guerre. Ça tombe très bien car mon gouvernement avait absolument besoin de cette diversion pour détourner mon peuple du courant d'idées démocratiques malsaines auxquelles il paraissait céder depuis quelque temps. Et puis, dans l'histoire tintamarèse de Napoléon III, cette proclamation se poursuit avec « Je vais bientôt me mettre à la tête de l'armée ». Quand je dis à la tête, c'est une manière de parler. Chacun sait que la tête de l'armée, pour un souverain, c'est derrière la 8e ligne de réserve. L'histoire tintamaresque de Napoléon III est très drôle. Oui, c'est formidable à lire, mais au cœur de la satire, il y a des réflexions politiques. Par exemple, triste et inévitable résultat des victoires impériales dans tous les temps et dans tous les pays, car 9 fois sur 10, les peuples perdent beaucoup à gagner des batailles. Après la guerre de 1859 en Italie, la France a gagné Nice et la Savoie, c'était en 1860. Le chauvinisme a un instant ravivé et avait, dans une certaine proportion, des velléités démocratiques du peuple français. Oui, cette victoire efface les volontés démocratiques et dès lors se pose une question de vocabulaire avec ce rattachement de Nice et de la Savoie, ou alors cette réunion, ou alors cette annexion, ou tout simplement ce pourboire. Semaine, le cours de l'histoire est à l'école. Oui, les enseigner, le faire religieux, sensibiliser à la liberté d'expression. Puis nous allons évoquer également le prix lycéen, quand les lycéens lisent l'histoire, ou encore des points de programme, des émissions à écouter, à podcaster en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien sur l'application Radio France. Et aujourd'hui, Olive et Tartiflette, donc Nice et la Savoie deviennent françaises. C'était en 1860. Et pour nous parler de ce moment, nous accueillons Yves Brulet. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes maître de conférence à l'école pratique des hautes études. Vous êtes spécialiste de la diplomatie. Vous avez publié le Quai d'Orsay impérial, histoire du ministère des Affaires étrangères sous Napoléon III. Vous avez publié la diplomatie du Sphinx, Napoléon III et sa politique internationale. Le regard porté sur la diplomatie au moment des combats est essentiel au sens où bien souvent et pendant longtemps c'est l'histoire militaire qui l'avait rencontré, enfin qui remportait systématiquement le regard que l'on portait sur ces batailles. L'histoire diplomatique et notamment pour ce qui nous intéresse, Nice et la Savoie qui deviennent françaises, est aussi important, si ce n'est plus peut-être d'ailleurs, que le regard que peut porter un historien militaire sur cette question. Oui, absolument. On retient souvent l'histoire des batailles, des guerres. Alors c'est très important, bien entendu, aussi. Mais la diplomatie précède la guerre. elle suit la guerre et elle a même lieu pendant la guerre. Il faut jamais l'oublier, mais pendant qu'on se bat, on continue toujours à négocier à cette époque-là. Et le cas de la Savoie et de Nice est particulièrement intéressant, puisque précisément, ce changement de frontière, ce changement de souveraineté est le résultat d'un acte diplomatique, pas d'une guerre directement. Hein. Il y a eu la guerre d'Italie en 59, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Mais en réalité, le rattachement est un traité entre la France, Napoléon III et le Piémont-Sardaigne de Victor Emmanuel II, et le plébiscite qui est organisé va confirmer par la volonté des populations un acte diplomatique. Et il ne s'agit pas d'une guerre ou même d'une révolution comme ça a pu se trouver dans d'autres parties de l'Italie par exemple. C'est vrai que pour l'histoire de ces moments un peu d'intensité d'événements, on retient le nom des batailles. Et pour cette période, pour la guerre, la campagne d'Italie de 1859, on retient Magenta, on retient Solferino, parce que ben, cela est inscrit dans la toponymie urbaine. Mais toutes les coulisses, justement, sont souvent écartées, ne serait-ce que par le fait que la diplomatie est souvent secrète. Et avec Napoléon III, il y a du secret. Yves Brulet, vous êtes l'auteur de La diplomatie du Sphinx. Ce choix n'est pas simplement un effet de manche ou un effet de titre de dire le Sphinx. Il y a une vérité autour de cette question de Sphinx associée à Napoléon III. Oui, à l'époque déjà, hein, il était surnommé le Sphinx des Tuileries, parce que c'était une personnalité très énigmatique, un peu impénétrable. Hein, on ne savait jamais trop ce qu'il pensait. Tocqueville, qui avait été son ministre des Affaires étrangères donc, sous la Seconde République, disait quand on s'exprime devant lui, c'est comme si on jetait une pierre dans un puits, on entend le bruit qu'elle fait, mais on ne sait pas où elle va, en fait. Et c'est un peu ça. Et donc, c'est le Sphinx des Tuileries, et du coup, voilà, j'avais pensé que d'associer la diplomatie du Sphinx, donc quelle a été sa politique internationale. Mais évidemment, l'objet de ce livre, un peu comme aussi le Quai d'Orsay impérial, qui montrait l'autre versant, si vous voulez, de la diplomatie, celle des diplomates professionnels, était pour montrer qu'il n'y a pas que la diplomatie secrète, c'est-à-dire que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, l'entrevue de Plombières, ça, pour le coup, c'est vrai que c'était une diplomatie secrète. Napoléon III rencontre Cavour, qui est venu mystérieusement sous un faux nom, et puis on essaie de réinventer l'Italie, voilà. Mais le Second Empire dure 20 ans, et ces épisodes-là, finalement, ils sont pas si nombreux que cela, voilà. Et donc j'ai voulu relativiser un peu cette image et montrer que derrière ces rencontres secrètes ou ces batailles aussi comme Solferino, il y a toute une activité extrêmement discrète qu'on ne voit pas trop, hein, qui est celle des diplomates. Mais dans la guerre d'Italie, justement au moment de Solferino, il y a une énorme activité diplomatique et qui amène justement toutes les informations qui arrivent à Napoléon III en Italie, l'amène à interrompre la guerre avant qui n'est vraiment atteint ses buts de guerre, hein, qui était de chasser l'Autriche de toute l'Italie, mais là, finalement ça ne marche pas. Hein. Voilà, parce qu'il faut vraiment rappeler ce contexte, Yves Brulet, ce point de programme, ça s'appelle point de passage et d'ouverture dans les programmes scolaires, en l'occurrence c'est le programme de la classe de première, le rattachement de Nice et de la Savoie, 1860, c'est un traité, mais qui s'inscrit dans un temps évidemment plus long, il faut rappeler hein, qu'au 19e siècle, et c'est vrai que pour parler aux plus jeunes, il y a des déconstructions à opérer. L'Italie n'existait pas au sens où il n'y a pas une Italie en tant que pays. C'est une accumulation de plein d'États. On parle, on dit Italie, mais plus comme une construction géographique, un mot générique. L'Italie n'existe pas, l'Italie est divisée au 19e siècle. Oui, et d'ailleurs dans toute son histoire, jusqu'en 1861, donc la proclamation du Royaume d'Italie, il n'y a pas eu véritablement d'unité étatique de la péninsule italienne, il y en a pas. Alors Metternich, donc au moment du congrès de Vienne, qui était le chancelier d'Autriche, donc une vision très très très un peu réactionnaire, hein, de tout cela, contre le principe des nationalités, disait au fond l'Italie c'est une expression géographique, ce qui était déjà très excessif et très méchant. Mais en effet, jusque à cette époque dont nous parlons aujourd'hui, l'Italie est divisée en multiples États plus ou moins grands, hein, est plus ou moins avancé dans la modernité politique. Et c'est là un élément essentiel, c'est-à-dire que cette unité de l'italienne va se faire avec l'appui de la France, de Napoléon III, qui va s'allier, qui va donner son alliance et son soutien militaire à l'État le plus avancé dans la modernité, qui est le royaume du Piémont-Sardaigne, dont la capitale est Turin, donc la partie occidentale de la plaine du Pô, et puis les Alpes du côté italien, et qui va être le noyau autour duquel va se former l'unité italienne par rattachement successif hein, de tous les différents États jusqu'à 1870 et la prise de Rome. Et donc l'élément décisif, c'est le moment où Napoléon III décide de, entre guillemets, faire quelque chose pour l'Italie et de s'allier, donc de proposer son alliance au Piémont. Donc le roi est Victor Emmanuel II et le Premier ministre est une personnalité assez extraordinaire, faut bien admettre, qui est le comte de Cavour. Et le comte de Cavour, Victor Emmanuel de Napoléon III. Nous avons toute une histoire qui se construit avec des personnages, et puis des vrais personnages, hein, parce que ce soit Napoléon III, que ce soit Cavour, il y a une vraie vision, une vraie réflexion, parce que pour bien comprendre ce qui se passe au XIXe siècle, il faut insister sur ce phénomène qui nous paraît étrange, peut-être vu d'aujourd'hui, celui des nationalités. Disons qu'il y a quand même plusieurs visions sur cette construction géographique de l'Europe. L'idée qu'un peuple a un pays n'est pas une évidence pour tout le monde. La notion de frontière, de nation, n'est pas encore quelque chose, parce qu'aujourd'hui ça semble presque une évidence, quoique on entend régulièrement des contestations, mais au XIXe siècle c'est pas le cas. Il y a des tiraillements entre la vision que l'on doit donner de l'Europe. Oui, l'Europe d'après Napoléon, donc l'Europe de 1815, Congrès de Vienne, après la chute de l'Empire napoléonien, s'est reconstruite sur des bases tout à fait différentes, ne tient absolument pas compte de la réalité des nationalités. Et l'un des grands phénomènes en Europe du XIXe siècle, c'est précisément cette émergence des sentiments nationaux qui fait que petit à petit, mais alors, et puis pas complètement d'ailleurs, après tout, parce que même la Pologne ne réussit qu'après la Première Guerre mondiale. Hein. Bon, il n'y a pas de Pologne au XIXe siècle, il y a un peuple polonais, mais il n'y a pas d'État polonais. Et donc petit à petit, l'Europe va changer ses frontières, va modifier ses frontières et va faire émerger un peu un modèle français, au fond, qui est celui de l'État-nation et qui va finir par inspirer d'autres modèles. Et effectivement, le moment où commence à basculer l'histoire italienne, donc 1859-1860, est particulièrement emblématique de ce point de vue-là. Oui, et puis avec quelque chose que nous saisissons à travers des documents et des œuvres majeures, c'est l'idée qu'il y a d'un côté cette vision française que vous évoquiez, Yves Brulet, celle de l'État-nation, et puis une vision, allez, je vais dire autrichienne, mais voilà, on est un empire avec différentes nationalités, des Hongrois, oui, des Autrichiens, ça ne pose pas problème. Et ça, mais nous l'avons tous vu, nous l'avons tous rencontré, je le disais, à partir d'œuvres majeures, c'est Sissi. Sissi face à son destin, le film d'Ernst Mirischka, qui en 1957, avec Romy Schneider, mais sublime, évoque ce moment extraordinaire où l'empereur François-Joseph, donc autrichien, avec l'impératrice Elisabeth, Sissi, se rendent à Milan, nous sommes en janvier 1857, ils viennent dans un territoire qui est le leur, sauf que c'est l'Italie, ils assistent à une représentation à la Scala, et là, ça se passe pas très bien, mais pas bien du tout. Que se passe-t-il? Qui sont tous ces gens? Excellence, j'allais vous l'expliquer. Ce sont des domestiques, laquais, cuisinières, palefreniers, portiers. Et pourquoi sont-ils ici ce soir? Les personnalités qui ont été invitées au gala de ce soir ont décidé d'un commun accord qu'elles ne viendraient pas. Et elles ont donné leurs invitations à leur personnel. Quel affront! Savez-vous ce qui va se passer? Non, pas du tout. Tous ces domestiques ont dû promettre de ne pas se lever à l'entrée de leur majesté et de s'abstenir de tout signe de déférence. Mais on n'a jamais vu cela. Eh bien, cette fois, on le verra. Excellence, c'est trop tard, leur majesté vient d'arriver. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cœur de la liberté, d'un opéra de Verdi. C'est une infamie, et c'est une trahison. Faites arrêter le chef d'orchestre immédiatement, Excellence. Le cœur des esclaves de Nabucco, donc l'opéra de Verdi. Dans Sissi, l'impératrice, on ne dira jamais combien les films tels Sissi sont des bons documents qu'il faut décrypter, bien sûr, que l'historien doit prendre comme tel. C'est une relecture de ce qui s'est passé. Mais ici, nous sentons bien qu'il est resté dans les mémoires le tiraillement qu'il y a, le rejet de la présence autrichienne en Italie dès, alors là, en l'occurrence, pour la visite de l'empereur François-Joseph, c'est 1857, mais ça fait des années que ça dure. Il y a un rejet de la présence autrichienne en Italie. Oui, alors c'est évidemment un point absolument essentiel. C'est-à-dire que l'Autriche, l'Empire d'Autriche, l'Empire des Habsbourg, dont le jeune empereur est François Joseph, domine directement donc une grande partie de l'Italie du Nord, avec le royaume de Lombardie et de Vénétie, qui dépend directement de la couronne d'Autriche, et domine aussi indirectement d'autres États, en fait, qui sont dont les souverains sont des membres de la famille des Habsbourg, ou bien des États qui sont occupés par des troupes autrichiennes. En gros, avant justement que Napoléon III ne s'en mêle, l'essentiel de la péninsule italienne est en fait une zone d'influence autrichienne. Et toute la politique de Napoléon III, ça va être de la faire devenir une zone d'influence française. Voilà. Et alors, cette scène de Sicile est très intéressante à plein d'égards. Alors d'abord, effectivement, la visite de François-Joseph et de l'impératrice Élisabeth est bien réelle. Elle a lieu le 15 janvier 1857. Il y a une soirée de gala à la Scala. Alors après, si ça s'est passé exactement comme ça, bon, ça a été un peu romancé. Je pense que le film s'inspire de la scène inaugurale de Senso du Visconti qui a été tournée 3 ans plus tôt et qui se passe, alors cette fois-ci c'est à la Fenice de Venise, mais avec une grande manifestation patriotique à l'opéra. Mais c'est très important parce que l'opéra a joué un rôle véritablement. Alors, beaucoup en Italie, pas seulement d'ailleurs, hein, aussi en Belgique par exemple. Bon. Et en Italie, le chœur des esclaves de Nabucco, donc qui est un opéra de Verdi de 1842, est devenu une sorte d'hymne national et encore aujourd'hui est presque plus populaire que l'hymne officiel de l'Italie, hein, et c'est resté très fort parce que c'est le chœur donc des esclaves qui déportés en Babylone chantent leur souffrance d'être loin de leur patrie, et cette phrase si souvent reprise, hein, « O mia patria si bella e perduta », hein, »,« O ma patrie, hein, si belle et pourtant perdue hein. ». Et donc ça enflamme les opinions, et tout le monde connaît, alors on a joué sur le mot de Verdi, le compositeur, V-E-R-D-I, qui pouvait devenir une sorte de slogan politique, ça voulait dire Vittorio Emanuele, re d'Italia, Victor Emmanuel, roi d'Italie, comme programme de l'unification italienne autour de la personne du roi Victor Emmanuel II. Voilà. Et, mais c'est bien, il voulait, parce que donc on pouvait dire j'aime beaucoup Verdi avec les deux sens, j'aime beaucoup Verdi, donc le Absolument. Compositeur, et j'aime beaucoup Verdi, Victor Emmanuel, roi d'Italie. C'est cela. Yves Brulet, vous avez évoqué, et j'aime beaucoup ça, que aujourd'hui encore, hein, ce aujourd'hui encore est important quand on fait de l'histoire, et le cœur des esclaves de Nabucco aujourd'hui encore est un hymne. Ce moment italien est essentiel, nous le voyons bien quand nous voyageons en Italie, il y a des musées partout avec beaucoup de Napoléon III. Cette question, que vient faire Napoléon III dans cette histoire? Vous l'avez dit, cette volonté de placer l'Italie sous l'influence française, une volonté idéologique de respecter le droit des peuples? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que Napoléon III, au moment où il entre dans le jeu italien, il est au sommet de sa puissance. La guerre de Crimée à laquelle il a participé, le congrès de Paris en 1856, a été un apogée, véritablement. Quelques années après son avènement, il est devenu l'arbitre du concert européen, l'arbitre de l'Europe. On n'imagine pas le chemin parcouru en si peu de temps, finalement. Donc, il est au maximum de sa puissance, et il essaie de la renforcer en s'appuyant sur l'Italie pour donner plus de poids à la puissance française. Et alors pour cela, il y a deux aspects, je pense. Il y a d'abord une politique qui est tout à fait traditionnelle dans l'histoire de France, qui est de repousser l'Autriche de l'espace italien et d'y mettre à la place une influence française. Ça, c'est pas Napoléon III qui l'invente, hein. Je veux dire, ça a toujours existé depuis la Renaissance. Donc c'est quelque chose, c'est une ligne, disons, de la politique française, et il va s'appuyer là-dessus. Et l'autre aspect, c'est la question des nationalités. Et là, c'est un point qu'il faut mettre, je pense, au crédit de Napoléon III, qui par ailleurs a peut-être beaucoup de défauts du point de vue du régime politique, par exemple, en France. Mais il y avait quelque chose chez lui, c'est qu'il avait parfaitement perçu que l'une des grandes lignes de l'Europe du XIXe siècle, c'était précisément l'émergence des nationalités, et qu'il fallait que les souverains, que les gouvernements fassent quelque chose eux-mêmes en faveur des nationalités pour éviter que ça devienne totalement explosif. Et que les révolutionnaires ne s'emparent de ce thème, parce que l'idée de nationalité au XIXe siècle, c'est une idée de gauche. Voilà, elle devient ensuite, elle passe d'un extrême à l'autre, hein, mais c'est largement une idée de gauche, l'idée de la nation, c'est une idée révolutionnaire. Et Napoléon III, au fond, pense que lui, les empereurs, les rois, les ministres, les gouvernements doivent s'emparer de ce phénomène avant qu'il ne vous échappe complètement et qu'il amène à un chaos et à des révolutions partout. Donc c'est ça, couper l'herbe sous le pied des révolutionnaires en faisant à la manière des souverains, donc éventuellement la guerre, mais d'abord surtout la diplomatie, et puis des plébiscites aussi, hein, de faire avancer l'idée, la cause des nationalités. Et donc l'intérêt de la France et globalement sa vision de l'Europe vont de pair en réalité dans le cas italien. Avec une diplomatie qui est adaptée à cette vision-là, une diplomatie officielle telle que nous pouvons l'imaginer, et une diplomatie un peu plus secrète, vous l'avez évoqué, Yves Brulet, il y a l'entrevue de Plombière en 1858. Alors, une entrevue étrange, Plombière, dans les Vosges, une ville d'eau, une ville de cure. L'empereur Napoléon III est en cure, mais en fait, il n'est pas là juste pour boire de l'eau ou manger de la glace. C'est aussi pour rencontrer Cavour. Cavour, donc, personnage essentiel dans l'histoire de l'Italie. Alors, Cavour, effectivement, est un premier ministre très très actif, hein, du royaume de Piémont. Au départ, c'est un journaliste, c'est un libéral, hein, qui a on l'oppose souvent à Bismarck, qui lui, au contraire, très anti-parlementaire après, hein, qui fait l'unité italienne sur une vision pas totalement anti-libérale. Hein, bon. D'un côté, donc vous avez Bismarck qui fait l'unité de l'Allemagne, mais alors dans la sévérité, et de l'autre côté, Cavour qui fait l'unité de l'Italie, mais sur une vision démocratique. Oui, en tout cas libéral, démocratique à l'occasion, mais libéral, c'est-à-dire parlementaire, alors que Bismarck sera très anti-parlementaire. Hein. Donc c'est un homme moderne, si on peut dire, hein, qui devient Premier ministre, puis une vision de développement de l'économie de son pays. Enfin, et donc, c'est un homme extrêmement habile, hein, très très habile, et qui a réussi à se faire des amis à Paris, à la cour. Il envoie d'ailleurs une très très belle femme pour essayer de séduire Napoléon III, ce qui marche d'ailleurs, dans l'idée de lui faire passer quelques idées en faveur de l'Italie. Bon, voilà, la Castiglione. La conquête de Castiglione, et bon, ça a pu jouer, mais enfin, mais Cavour, donc, a noué de très bons rapports avec l'entourage de Napoléon III et Napoléon III lui-même, si bien qu'au moment où Napoléon III pense que c'est le moment de faire quelque chose, en fait, il lui fait savoir qu'il va prendre les eaux à Plombières et que ça serait bien qu'il vienne aussi prendre les eaux. Bon, alors Cavour, évidemment, à condition que ce soit secret. Bon, donc c'est l'été, début de juillet, Cavour est Premier ministre et il dit « Je suis vraiment très fatigué en ce moment, il faut que je prenne des vacances. Il faut vraiment que je prenne des vacances. J'ai des cousins en Suisse. Je vais les voir, je vais me reposer. » Donc il part en Suisse. Et puis de là, très discrètement, il file en France et il arrive à Plombières où il se cache dans une espèce de maison parce que tous les hôtels sont pris. Et là, on organise une rencontre qui dure toute la journée, hein, où les deux hommes, les seuls, vont discuter de ce que pourrait devenir l'Italie. Alors, ils vont pas négocier un traité, mais ils vont discuter librement de ce qu'ils imaginent, de ce qu'ils pourraient faire pour faire évoluer l'Italie. Et alors, on va pas entrer dans les détails, mais il y a un point quand même qui est très important à comprendre, c'est que dans l'idée de Napoléon III, il s'agit pas de constituer un État unitaire tout de suite. Sa vision de l'Italie, en fait, c'est une confédération. C'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs États qui existeraient, le royaume de Naples, les États pontificaux importants, parce que la France, Napoléon III soutient le pape, l'Italie du Nord qui serait sous domination du Piémont, donc les Autrichiens dehors, et puis l'Italie centrale, il y aurait aussi un autre État, et donc on aurait une confédération. Il ne s'agit pas de faire tout de suite ce qui va arriver, en fait, mais alors, de manière un peu inattendue, hein, qui est un État unitaire. Et donc voilà, et donc ils discutent, et ensuite Cavour rentre discrètement chez lui. Alors évidemment, ça a fini par fuiter, on a dit « Ah bah oui, il est allé à Plombières ». Et lui, pour donner le change, explique qu'en réalité, c'est Napoléon III qui l'a convoqué, mais pour l'engueuler, en fait, pour lui faire des réprimandes, il fallait se calmer. Bon. Et on gobe le mensonge, et pendant plusieurs mois, en fait, on n'a pas su ce qui s'était dit. Et au moment où la guerre se déclare, Napoléon III est là, en 1859, le royaume de Piémont-Sardaigne, avec le roi Victor Emmanuel, s'oppose à l'Autriche. Ce royaume de Piémont-Sardaigne ne pourrait pas grand-chose face à l'Autriche, mais avec l'aide de la France, là, la donne change. Oui, ça change tout. Effectivement, en 1848-49, le Piémont avait essayé de se battre seul, hein, contre l'Empire autrichien, et il avait perdu, en fait. Hein, donc c'était deux défaites. Donc c'est l'appui de l'armée française qui va tout débloquer. Donc il y avait une condition à l'alliance de la France, c'est que c'était l'Autriche qui devait provoquer la guerre, hein, que ce soit pas voilà. Donc la France venait en soutien du Piémont, et donc c'est ce qui se passe au printemps 1859, et donc la guerre d'Italie éclate, et finalement la campagne est relativement courte, hein, un mois et demi, avec Magenta, Solferino, et donc la Lombardie est conquise, est arrachée, disons, à la domination autrichienne, mais pas la Vénétie, donc la moitié moitié du travail. Et oui, Venise reste sous domination de l'Autriche. Reste autrichienne encore jusqu'en 1866. Et donc Napoléon III a en fait a arrêté la campagne au milieu. D'abord parce que c'était pas si facile que ça, les Autrichiens résistaient quand même beaucoup, et puis surtout parce qu'il était en train de se faire rouler par Cavour, et parce que Cavour avait fomenté des révolutions dans toutes les villes d'Italie centrale, ce qui n'était pas du tout prévu, pour renverser les souverains donc de Modène, de Parme, de Toscane, y compris dans les États pontificaux. Et donc Cavour jouait sur les deux tableaux, en fait, la révolution d'un côté, et puis la diplomatie et la guerre avec Napoléon III de l'autre. Et donc il est allé très au-delà de ce qui était convenu. Et donc Napoléon III n'était pas content de cela, hein. C'était pas du tout ce qui était prévu. Donc il interrompt la guerre. Et l'autre facteur essentiel, en fait, c'est qu'il y avait des nouvelles extrêmement, alarmistes qui venaient d'Allemagne. En fait, l'Allemagne se mobilisait, l'opinion publique allemande, très francophobe à l'époque, souvenir du Premier Empire, etc., était en train d'être en ébullition, hein, de s'enflammer contre la France. Parce que l'Autriche, il faut comprendre, à l'époque, l'empereur d'Autriche est le président de la Confédération germanique. L'empereur d'Autriche, c'est le premier prince allemand. Et donc, quand la guerre éclate entre la France et l'Autriche, les Allemands se sentent du côté autrichien. Et donc, là, il y avait un risque, si la guerre durait trop longtemps, que l'Allemagne se mobilise elle-même et entre en guerre sur le Rhin. Et c'est pourquoi la guerre cesse en juillet 1859. C'est l'armistice de Villafranca. Là, l'affaire guerrière est terminée. Maintenant, reste la diplomatie. Il faut attendre encore longtemps. Il faut attendre mars 1860 pour que soit signé le traité de Turin. Et dans ce traité de Turin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, il est prévu que Nice et la Savoie soient rattachées à la France, Nice et la Savoie rattachée à la France. On va commencer par Nice avec un extrait d'une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre s'intitule Le Rattachement. Le Rattachement, écrite par Didier Van Kovelaert en 2010. Une pièce écrite pour le 150e anniversaire du rattachement de Nice à la France. Vous allez voir une pièce dans laquelle il y a Napoléon III. Votre Majesté impériale, je suis porteuse d'un message d'espoir. Oh. Délivrez-le. Je suis niçoise. Oui, j'avais cru l'entendre. C'est une belle contrée, Luciana, chaude et prometteuse. Ah, pas Luciana, sire. Lucienne. Je ne veux plus être italienne. Je suis fille d'un pêcheur du cours Saleia. Le peuple meurt de faim. J'ai perdu toute ma famille. Ça fait des années que les Italiens nous laissent tomber. Notre seul espoir, c'était vous, Majesté. Et vous avez renoncé à nous. Oh non, non, je ne renonce pas à vous. Non, il suffit de jeter les yeux sur la carte pour comprendre que Nice est un fragment détaché de notre empire. Des traités inspirés par la haine contre la France ont pu en décider autrement. Vous êtes à la France, et la France, le sang. Je vous rattacherai à moi. Et cette puissante nation que j'incarne ne s'arrêtera plus à la frontière d'un ruisseau qui s'appelle le Var. Eh bien voilà, il y a un extrait du Rattachement, la pièce de Didier Van Kovelaert, dans laquelle Luciana, la niçoise, veut s'appeler Lucienne. Yves Brulet, Nice, question essentielle. Hein, donc Nice devient française en 1860. Faut rappeler que ce soit pour Nice ou pour la Savoie, ce n'est pas un traité qui décide tout simplement que ces territoires sont rattachés à la France. Il y a un référendum, la population est consultée. Oui, il y a le traité de Turin, donc du 24 mars 1860, qui entre la France et le Piémont-Sardaigne, qu'il convient que donc le roi, donc Victor Emmanuel, consent à la réunion, hein, c'est le terme officiel, de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France, mais à condition de consulter les populations. Voilà, c'est très clairement dit tout de suite, hein, de constater la volonté des populations d'accepter ou non cette réunion à la France. Alors il faut préciser tout de même une chose, c'est que ces territoires ont déjà été français, hein, pendant la Révolution et l'Empire. Voilà. Donc c'est pas complètement une nouveauté. Et ils sont, alors pourquoi Nice et la Savoie, parce que c'est deux territoires quand même très éloignés. En réalité, ils ont une histoire commune qui est très ancienne, parce que la maison de Savoie est un état qui, les états de Savoie se sont constitués depuis le Moyen Âge. Et en fait, Nice a été rattaché aux états de Savoie très tôt, en 1388 en fait, hein. Donc l'état de Savoie, c'est un état qui s'est construit à cheval sur les Alpes. D'abord en Savoie, ensuite au Piémont, donc du côté italien, et ensuite il est descendu, il est allé jusqu'à Nice. Donc il y a une histoire commune en fait de Nice avec la Savoie qui remonte loin. Et puis, il y a cet épisode de la Révolution et de l'Empire, hein, qui est évidemment la référence, en l'occurrence, pour demander le rattachement de Savoie et de Nice. Et après le traité, donc, la population est consultée. Oui, c'est cela. Donc, on organise ce qu'on appelle un plébiscite, donc en Savoie et à Nice d'abord, hein, d'ailleurs, le 15 avril, et ensuite en Savoie, 22-23 avril, et qui donne une très grande majorité en faveur de la Réunion. Alors, un peu moins à Nice, mais enfin 83% pour le comté de Nice, c'est quand même assez large, et une immense majorité pour la Savoie. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rattachement ou cette réunion de la Savoie et de Nice est demandé par Napoléon III en application du principe des nationalités. C'est-à-dire qu'il dit aux Italiens, bon, je vous ai aidé à commencer l'unité italienne au nom du principe des nationalités. Eh bien, on l'applique, et clairement, la Savoie, alors pour Nice, ça peut-être un peu plus se discuter, hein. D'ailleurs, Cavour résiste beaucoup, mais pour la Savoie, elle est clairement plutôt du côté français que du côté de la nation italienne. Donc c'est en application de ce principe qu'il y a une espèce de cohérence, hein, à demander le rattachement de ces territoires. Et puis sur le drapeau de la Savoie, sur les armes de Savoie, il y a une croix. Mais en Savoie, il y a également une étoile, mais c'est l'étoile des neiges. Je vous propose d'écouter un petit bricolage magique et sonore réalisé par Milena Hellig. Milena qui réalise également l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture, avec aujourd'hui à la technique Clément Daté. Vous allez voir, Milena a mélangé étoile des neiges et du Beaufort. Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard. France Culture. Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Le cours de l'histoire. Encore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie, non, Savoie pas. Xavier Mauduit. Au pays du Beaufort, là-bas sur les alpages, à deux pas des nuages, existe un trésor. Bernard Marly qui chante Le pays du Beaufort dans le cours de l'histoire sur France Culture, le cours de l'histoire qui s'intéresse au rattachement de la Savoie et de Nice à la France en 1860. Yves Brulet, il y a une question de vocabulaire qui se pose. Je vous ai écouté, vous avez parlé de rattachement, vous avez parlé de réunion, vous avez évoqué ce problème de vocabulaire parce que un mot apparaît régulièrement, c'est celui d'annexion. Alors, où en est-on de cette réflexion ? S'agit-il d'une annexion ? C'est un sujet un peu insoluble en réalité, parce qu'il y a des mots qui ont des connotations plus ou moins négatives, donc que l'on considère que ce changement de frontière est positif ou négatif, on va employer plutôt tel ou tel mot. Moi, je suis historien et je vois dans le traité qu'on parle de réunion. Voilà. Et l'idée de réunion, c'est pas union, d'ailleurs, c'est réunion, parce que ça fait référence au fait que la Savoie et Nice avaient déjà, en fait, été français à l'époque de la Révolution, enfin, 1792 jusqu'à 1814. Voilà. Et il est possible aussi de parler de pourboire, parce que une expression qui s'impose dans cette période des années 1860 est la politique de pourboire voulue par Napoléon III. J'aide un pays, en échange on me donne quelque chose. Oui, alors l'expression va surtout exister au moment où Napoléon III va négocier avec Bismarck, au moment de l'unité allemande, pour obtenir justement des compensations territoriales à la formation de l'unité allemande. Et d'ailleurs, ça va échouer complètement. Hein. Il y avait été question du Luxembourg, par exemple, bon, qui était avec un plébiscite qui était quasiment organisé. Hein. Et donc, ça n'a pas eu lieu. Donc, c'est à ce moment-là que le thème apparaît beaucoup plus pour la Savoie et Nice. Alors, parler de pourboire, c'est un, alors pour le coup, c'est un parti pris, comment dirais-je, assez discutable, parce que Napoléon III n'a pas, enfin, Oui, il obtient quelque chose en échange de l'appui qu'il a donné. Mais encore une fois, c'est l'application. Enfin, il y a une cohérence profonde. Hein. C'est l'application du principe des nationalités, comme je le disais. Au fond, voilà, le Piémont était jusqu'à présent un État à cheval sur les Alpes, mais qui était une histoire dynastique. C'était pas une histoire nationale. Or, il se trouve que cet État est le noyau d'un nouvel État qui sera le Royaume d'Italie. Et du coup, comme cet État, cette transformation profonde de cette monarchie de Savoie est faite sur le principe des nationalités, bien on l'applique et du coup la partie pas du tout italienne de cet État devient français. Voilà, donc c'est pas parler de pourboire, c'est un peu comment dirais-je péjoratif. Mais c'est vrai qu'au moment où Nice et la Savoie sont réunies à la France, il y a de véritables tensions. Pour Nice déjà, Yves Boulet, vous l'avez évoqué, Cavour n'est pas tout à fait d'accord. Il n'est pas le seul, il y a un personnage que nous n'avons pas cité, qu'il faut citer, qui est Garibaldi. Donc Garibaldi, grande figure de l'unité italienne, il faut le rappeler, il est né à Nice. C'est un traumatisme de combattre pour l'unité italienne et de se rendre compte que sa propre ville, sa ville natale, ne sera pas italienne, elle devient française. Oui, alors effectivement, Garibaldi est niçois, et ça c'est l'un des éléments les plus importants. Mais Garibaldi n'est pas tout à fait sur la même ligne que Cavour, globalement. Hein. C'est un républicain, donc pour lui, l'unité de l'Italie doit se faire purement par la Révolution, et un peu avec Mazzini aussi, qui est une vision totalement républicaine de l'unité italienne. Donc ils sont vraiment les plus radicaux. Dans le spectre politique des partisans du Risorgimento, c'est-à-dire du mouvement de renaissance de l'Italie. Donc ils sont pas exactement sur la même ligne, même si Cavour va en réalité utiliser très habilement Garibaldi. Hein. Mais donc Garibaldi est niçois, donc il est né français parce qu'il est né à l'époque de Napoléon. Et d'ailleurs c'est assez frappant de remarquer qu'en fait tous ces gens-là sont tous nés français, parce qu'ils sont tous nés à l'époque de Napoléon. Cavour est né à Turin, à l'époque c'était un département français. Garibaldi est né à Nice, c'était la France. Mazzini est né à Gênes, c'était encore la France, c'était l'époque de Napoléon. Et même Verdi, l'acte de naissance de Verdi, il est né en 1813 en Italie du Nord, dans un département français, et c'est marqué Joseph Verdi. Il est né. Donc ils sont tous nés français, et ça montre d'ailleurs que la référence à l'empire napoléonien est un peu, on est quand même très très loin du principe des nationalités. Napoléon Ier a fait croire dans le mémorial de Sainte-Hélène qu'il était partisan du principe des nationalités. En réalité, on voit bien que c'est pas le cas. Hein. Tous ces gens-là sont nés français alors qu'ils étaient tous italiens. Ils étaient tous italiens, et la conscience italienne, l'identité se développe au 19e siècle pour aboutir dans ces années 1860 à l'unité de l'Italie. Nice devient française et la Savoie également, avec cette chose étonnante que la Savoie est la région d'origine de la dynastie des rois de Piémont-Sardaigne. Écoutez la lecture d'un texte, d'une proclamation affichée à Turin le 1er avril 1860, un texte signé Victor Emmanuel qui s'adresse aux habitants de la Savoie, qui nous est lu dans le cours de l'histoire par Daniel Königsberg. Quelque pénible qu'il me soit de me séparer des provinces qui ont fait si longtemps partie des états de mes ancêtres et auxquels tant de souvenirs me rattachent, j'ai dû considérer que les changements territoriaux amenés par la guerre en Italie justifiaient la demande que mon auguste allié, l'empereur Napoléon, m'a adressée pour obtenir cette réunion. J'ai dû en outre tenir compte des services immenses que la France a rendus à l'Italie, des sacrifices qu'elle a faits dans l'intérêt de son indépendance, des liens que les traités ont formés entre les deux pays. Toutefois, ce grand changement dans le sort de ces provinces ne saurait vous être imposé. Il doit être le résultat de votre libre consentement. Telle est ma ferme volonté. Telle est aussi l'intention de l'empereur des Français. Victor Emmanuel, donc le roi du royaume de Piémont-Sardaigne, qui s'adresse aux habitants de la Savoie pour leur annoncer tout simplement, Savoyard, vous allez devenir français. Et c'est étonnant, hein, cette conception qui aujourd'hui nous surprend d'imaginer que le berceau de la dynastie des princes de Savoie devient français, Yves Brulet. Oui, mais je pense qu'on est dans un basculement historique entre deux conceptions de l'État, précisément. Une conception purement dynastique, Née depuis le Moyen Âge, la dynastie des Maisons de Savoie est une très très ancienne dynastie qui a 1000 ans d'histoire. Et là, on bascule dans une conception de l'État qui est celle de l'État-nation. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et c'est ce qui explique ce basculement de la Savoie. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est aussi la Maison de Savoie Victor Emmanuel II est devenu le premier roi d'Italie, ce qui est quand même pas rien. Hein. C'est une œuvre extraordinaire. Alors, on disait, il y avait un mot. Parce que il avait marié sa fille d'abord, la princesse Clotilde, au cousin de Napoléon III, le prince Napoléon qu'on appelait Plon-Plon. Voilà. Et donc ça c'était en 59. Et en 60, il y a la Savoie qui est donnée à la France. Et donc on disait pour s'en moquer, en 59 le roi a vendu sa fille et en 60 il vend son berceau. Ah ben voilà. Les gens sont méchants, les gens sont caustiques. Mais c'est vrai que, à côté de tous ces moments qui sont vus par les contemporains tels que vous le rappelez, Yves Brulet, avec des moqueries, avec un regard curieux, il y a malgré tout plusieurs éléments qui s'inscrivent, et là de manière beaucoup plus sérieuse et lourde. Il y a la fierté du sentiment national français qui est flatté. Le territoire français s'agrandit et ce n'est pas quelque chose de courant. Donc déjà, faut le rappeler. Et par la diplomatie, plus que par la guerre. Alors absolument, alors je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette affaire de Savoie et de Nice a d'abord joué un grand rôle dans l'opinion publique, qui a été effectivement très, très marquée positivement par le résultat de cette politique. Et j'ai bien dit de cette politique, puisque c'est un acte diplomatique qui se traduit par un changement de frontières. Mais surtout, c'est après 70-71 que... Par contraste, cette affaire de la Savoie et de Nice va être extrêmement valorisée. En effet, 70-71, c'est la guerre franco-allemande, c'est la perte de l'Alsace-Lorraine. Et là, quand Bismarck s'empare de l'Alsace-Lorraine, il fait pas de plébiscite. C'est le fait même de la victoire militaire, c'est le droit de conquête. Et donc... rétrospectivement, quand on regarde ce qui s'est passé en Savoie-Unie, on se dit, il y a eu quand même un grand progrès qui a été suivi d'un grand recul de civilisation avec l'unité allemande, avec la perte de l'Alsace-Lorraine, parce que Bismarck a fait l'unité allemande, il n'a pas fait un seul plébiscite, alors que toute la constitution de l'unité italienne et donc sa partie Savoie et Nice concernant la France, à chaque fois, il y a eu des plébiscites, on a demandé aux gens de donner leur avis. Bon, donc là, il y a eu, je pense que Napoléon III avait une vision du progrès globalement dans tous les domaines, y compris les relations internationales, et ce progrès a été en quelque sorte brisé en 70-71, et toutes les générations qui suivent ont bien conscience qu'il y a eu une ligne qu'on croyait être la ligne de l'histoire et du siècle, et finalement qui a été brisée en 70-71. Et puis vous l'avez déjà rappelé, Yves Brulet, c'est vrai que dans cette conception du pouvoir de Napoléon III, il y a toujours cette... autoritarisme dans l'État qui a tendance au fur et à mesure de l'Empire à diminuer. Mais malgré tout, il y a cette volonté de tenir le pays de l'intérieur et une politique internationale qui, nous le voyons encore aujourd'hui, n'est toujours pas corrélée avec la politique intérieure. Il y a ces deux mouvements. Et dans ce basculement de la conception historique que vous évoquez pour ces années 1860, un basculement essentiel, il y a une réalité aussi pratique pour Nice et pour la Savoie, c'est qu'il faut rendre français ces territoires. Donc il y a l'installation d'administrations, de préfets, de banques également. L'argent avant tout. Il y a une vraie réflexion sur comment fait-on des Français, même si il y a l'idée que ces Savoyards le sont déjà, ils ont voté pour être français. Oui, pour la Savoie, donc il y avait la langue déjà qui était... la langue française, bon. Et alors pour Nice, ça peut se discuter, encore que le niçois est plutôt un occitan provençal plutôt qu'une langue ligurienne, mais bon. En tout cas, pour les habitants, pour les élites et tout cela, ça n'a pas forcément été une grande rupture, parce que eh bien les maires des villes et des villages, au lieu de s'appeler syndic, parce que ce terme italia sindaco deviennent des maires, bon, mais en fait c'est toujours les mêmes. Donc après il y a des députés, bon, ils vont siéger à Paris plutôt qu'à Turin, mais enfin disons que l'élite va être à peu près la même. Il y a des militaires qui vont plutôt que d'être dans l'armée de Piémont, vont rejoindre l'armée française. Voilà, donc les choses se sont passées en douceur. On ne peut pas. Il y a eu un préfet, évidemment, ça n'existait pas. Mais le fait qu'il y ait une telle majorité, parce que il y a eu un véritable enthousiasme au moment du plébiscite, a facilité les choses et la transition s'est faite relativement bien. Le seul point qui a été un peu tendu, c'est que le clergé était très favorable en fait au rattachement de la Savoie et de Nice à la France, parce que le Piémont a une politique très anticléricale. Napoléon III n'en avait pas encore à ce moment-là. Sauf que dans la deuxième partie du Second Empire, sa politique religieuse devient beaucoup plus dure et critique vis-à-vis de l'Église. Et donc, évidemment, là, il a pu avoir des tensions sur le plan religieux. Ce moment est important, vous nous le rappelez, Yves Brulet, parce que il s'inscrit dans un temps beaucoup plus long du mouvement des nationalités. Nous regardons souvent l'épisode 1848, le printemps des peuples, mais ce printemps des peuples se poursuit avec, eh bien, c'est ce que nous évoquons, hein, l'unité italienne, l'unité allemande ensuite, en 1871. Et puis, cette conception, nous en sommes les héritiers. C'est une conception de l'Europe que nous avons aujourd'hui sur ce principe des nationalités qui, en fait, dans ces années 1860, se met effectivement en place. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Cette réflexion diplomatique qui a baigné ces années-là, cette deuxième partie du 19e siècle, je disais, nous en sommes les héritiers. Les traités sont encore là, ils sont encore valables pour certains. Oui, alors bon, l'Europe a évidemment changé à certains égards, hein, parce que la question des nationalités ne s'est pas réalisée au XIXe siècle complètement. Je disais tout à l'heure, la Pologne ne ressuscite qu'après la Première Guerre mondiale. Bon, mais il y a eu tout de même une ligne générale qui a fait qu'au cours du XIXe siècle, sont devenus indépendants la Grèce, la Belgique, l'unité italienne, ensuite l'unité allemande, ensuite d'autres États de la Roumanie, on l'oublie d'ailleurs, a précédé hein, même l'Italie. Bon, ensuite la Hongrie et l'Autriche, alors sont restés ensemble, mais avec un système qui reconnaissait tout de même la particularité hongroise. Bon, donc ça a évolué à des rythmes différents. Donc l'aboutissement de cette ligne, au fond, c'est l'Europe du XXe siècle. Mais ce qui me paraît intéressant de retenir aussi, c'est que on a ce mouvement des nationalités qui est vu comme quelque chose de positif, de moderne, voilà, et qui aboutit à la fin du XIXe siècle à une Europe des nationalismes qui devient extrêmement dangereuse. Voilà. Et le basculement, je pense que c'est l'unification allemande et les mauvais souvenirs que laisse la guerre de 70-71, qui crée une situation de tension qui va rester très vive et qui est une des causes profondes de la guerre de 14, au fond. Donc on est passé vraiment de l'idée nationale, positive, constructive, progressiste, si on peut dire, à une Europe des nationalismes qui devient un peu une poudrière. C'est une super synthèse, Yves Brulet. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que dans cette volonté de comprendre ce 19e siècle foisonnant, où des événements très précis, comme le rattachement de Nice et la Savoie à la France, il y a cette vision plus globale qui nous aide un peu à comprendre ces siècles du passé et ceux d'aujourd'hui, les moments que nous vivons. Merci beaucoup Yves Brulet. Merci. Et je rappelle votre ouvrage « La diplomatie du Sphinx » ou encore « Le Quai d'Orsay impérial, histoire du ministère des Affaires étrangères sous Napoléon III ». Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors, à la une du journal de l'histoire après un attentat. Après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine et l'assassinat cruel de Samuel Paty, le gouvernement a déclaré une guerre pour que, selon les propos d'Emmanuel Macron tenus en Conseil de sécurité, la peur change de camp. L'émotion est là, la peur en fait partie, et elle se rappelle à nous une fois de plus dans l'expérience de ces actes d'une violence inouïe destinée justement à terroriser. Après la peur, après la colère, se pose le temps de l'histoire, de ce que cette brutalité aura changé quand les profs retourneront en cours, que les élèves reprendront le chemin de l'école. 3 ans après les attentats du 13 novembre 2015, Emmanuel Macron annonçait la création d'un mémorial des attentats dont il confiait la mission d'élaboration à l'historien Henri Rousseau. C'était en septembre 2018. La France doit savoir regarder en face les réalités que cela implique et mener un travail mémoriel, scientifique, pédagogique, permettant à chacun de saisir toutes les implications et toutes les résonances de ce qui, à intervalles réguliers, nous frappe. Un musée pour commémorer l'événement et rendre hommage aux victimes sera donc chargé d'incarner la peine et le traumatisme national. Mais à l'échelle d'un quartier, au croisement de rues si familières avant, reste l'étrangeté. Que fait-on après quand l'effroi et la sidération ont fait irruption en bas de son immeuble ? Sarah Gainsburger est sociologue, voisine du Bataclan. Elle a tenu un journal des semaines qui ont suivi l'attentat du 13 novembre 2015 pour observer avec finesse comment se reconstruit l'ordinaire après la brutalité de cet événement, comment les voisins, les travailleurs qui ont directement maille à partir avec les lieux de l'attentat composent avec la banalité d'avant et l'empreinte de la violence dans leur paysage quotidien. Elle s'est associée depuis avec de nombreux autres chercheurs pour étudier une des formes de l'expression collective de l'émotion et les questions liées à sa conservation. Sarah Gainsburger et Jérôme Truc publient un ouvrage collectif dans quelques jours, Les Mémoriaux du 13 novembre, une enquête sur ces monuments éphémères et spontanés alimentés par les anonymes. Les équipes des archives et de la propreté de Paris sont à pied d'œuvre ce matin devant le Bataclan. On nettoie, on trie, on collecte les hommages aux victimes laissées devant la salle de spectacle. L'idée, c'est pas de tout enlever, c'est pas d'oublier, c'est de le faire progressivement, de regrouper ce qui est en bon état, de le reconcentrer sur un périmètre un peu réduit, mais tout en gardant la dimension hommage, de récupérer les objets qui peuvent être stockés pour garder un souvenir. Pas question donc de jeter les messages adressés aux victimes des terroristes. Ils sont rassemblés pour être mis à l'abri. Ces mémoriaux constituent un rituel de deuil répertorié, avec leurs messages qui rassurent sur la puissance du collectif face à la peur, le rappel de valeurs réconfortantes, l'appel à solidarité et surtout l'empathie. Avec ses dessins d'enfants, ses bouquets de fleurs, ses drapeaux et ses bougies, la pratique banalisée de ces mémoriaux dit l'extraordinaire d'une tragédie qui en modèle le caractère historique et nous donne des indices précieux sur la façon dont une population réagit à l'attentat. Une vie de quartier, l'activité banale et récurrente qui reprend invariablement, les trajets routiniers des habitants, les tournées de la propreté municipale, c'est l'ordinaire et sa restauration, l'habitude, qui reprend force et rétablit la société d'après, à la fois identique et transformée. Comment conserver ces traces minuscules dont la banalité trouble le geste d'archivage? Comment penser à l'histoire qu'on en fera alors que le présent nous submerge d'émotions si fortes que se projeter dans l'avenir semble inaccessible? Les mémoriaux du 13 novembre, c'est une enquête et un mémorial de papier pour rendre possible l'histoire collective de l'expérience du terrorisme qu'on en fera demain. Oui, la mémoire pour l'histoire. Merci beaucoup Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire et ses podcasts sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Giudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Et cette émission, toutes les précédentes également, sont à écouter, podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et demain, nous restons à l'école, comme toute la semaine d'ailleurs, les points de programme. Enseigner le fait religieux, sensibiliser à la liberté d'expression. Et bien demain, c'est le prix lycéen. Oui, le prix lycéen des rendez-vous de l'histoire de Blois qui a été attribué à Charlotte de Castelnau-l'Étoile pour Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal. Un superbe livre. Et nous recevons donc Charlotte de Castelnau-l'Étoile ainsi que deux membres du jury lycéen de lycéennes.